après ce passage publicitaire. Futur 5 poursuit son chemin, toujours sur les ondes de CKRL 89,1. On vient de parler des harfans, ces oiseaux migrateurs qui nous rendent visite en hiver. On va rester en fait dans le thème des migrations pour s'intéresser maintenant aux migrations climatiques, celles que les humains entreprennent quand les conditions climatiques de leur région se détériorent. Alors, c'est notre chroniqueuse Mélanie Jean qui va nous expliquer ce phénomène. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Oui, en effet, les migrations climatiques, c'est un sujet qui est très intéressant, surtout quand on parle du réchauffement climatique. C'est pour ça que j'avais décidé de vous en parler. En fait, on se dit que les gens fuient des conditions économiques difficiles. Ils vont fuir des régimes politiques répressifs, comme on a un exemple présentement avec la Tunisie ou la guerre. Ils vont fuir ce genre de problèmes-là. Mais depuis la dernière décennie, c'est plutôt les conséquences des changements climatiques qui poussent plusieurs personnes à quitter leur milieu de vie. Tout à fait. Mais par contre, il y a un nouveau rapport qui est sorti de la Banque asiatique du développement en 2010 et qui dit que ces migrations climatiques-là ne doivent pas seulement être envisagées sous l'angle des catastrophes humanitaires. Elles peuvent aussi découler d'une stratégie rationnelle d'adaptation et puis même s'avérer profitable aux populations qui sont concernées. En effet, les gens quittent leur milieu de vie, ben non seulement pour des raisons climatiques, mais aussi pour des perspectives de mieux gagner sa vie, de pouvoir faire des études plus poussées ou simplement le fait de rejoindre des membres de leur famille. Mais tout d'abord, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est ce phénomène-là de migration climatique, qui est loin d'être nouveau en passant, il faut savoir qu'est-ce que sont les réfugiés climatiques. Et Mélanie, comment est-ce qu'on définirait en fait un réfugié climatique? De manière générale, il s'agit de personnes qui sont forcées de quitter leur milieu de vie en raison d'une dégradation de leur environnement qui est liée au changement climatique. Et cette dégradation-là, elle peut être lente, comme par exemple l'élévation du niveau de la mer ou l'érosion des sols, ou elle peut être brutale, comme avec les inondations soudaines ou des ouragans. Et les pays les plus concernés, c'est les pays qui sont en voie de développement, bien sûr, en particulier ceux de la région d'Asie-Pacifique, ainsi que des États insulaires. Et il existe plusieurs raisons qui expliquent leur vulnérabilité. Tout d'abord, il y a leur géographie, avec des côtes qui peuvent être très exposées. Il y a la sensibilité de ces écosystèmes-là aux dégradations environnementales. Il y a aussi la vulnérabilité sociale et économique de ces populations-là. Et aussi la très forte densité de population qui vient nuire aussi à tout ce phénomène-là. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ben, les migrations climatiques, c'est pas un phénomène nouveau du tout. La dégradation de l'environnement, ça a toujours été un facteur de migration à travers l'histoire humaine. Mais par contre, les chercheurs s'y sont intéressés seulement récemment, là, depuis environ les années 80. Et c'est seulement dans les années 2000 que cette problématique-là est devenue vraiment cruciale, avec l'accélération des conséquences, là, des fameux changements climatiques. Et ça a entraîné un flux migratoire beaucoup plus important que par le passé. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu... que ça passe pas inaperçu. Et le réchauffement de la planète a donc changé notre point de vue sur le sujet et nous fait aussi nous questionner sur la responsabilité des pays développés pour trouver une solution à ce problème-là. Mais cependant, quelque chose qui ressort, c'est qu'il semblerait que les études qui ont été faites jusqu'à maintenant sur les migrations climatiques auraient été trop alarmistes. Ah bon? Donc, la plupart des études récentes estiment qu'entre 200 millions et 1 milliard de personnes se retrouveraient dans la situation de réfugiés climatiques d'ici 2050. C'est beaucoup de monde, ça. C'est vraiment énorme. Cependant, il semblerait que ces études-là n'aient pas tout à fait de fondement. Parce qu'elles calculent, en effet, le nombre de personnes qui vivent dans des régions qui sont à risque, les prévisions de dégradation de l'environnement aussi, et concluent que tel nombre de personnes vont partir. Mais ces études-là sont basées sur là, que l'immigration climatique serait la seule option possible pour les personnes qui sont touchées par ces changements-là. Ben oui. Mais pourtant, ces études ne tiennent pas compte de la capacité locale des populations à s'adapter et de la mise en place de politiques publiques qui pourraient faciliter ou même empêcher ces migrations-là. Il est donc difficile d'estimer vraiment le nombre réel de réfugiés climatiques pour les prochaines années. Ces statistiques-là sont d'autant plus délicates parce que les migrations climatiques relèvent de dynamiques qui sont vraiment plus complexes que les seuls facteurs environnementaux. Ben, le facteur de dégradation de l'environnement en particulier lorsque celle-ci s'étend sur de nombreuses années, c'est intimement imbriqué avec des facteurs socio-économiques comme la pauvreté, les réseaux familiaux ou sociaux, ou encore la représentation de l'étranger par l'immigrant. Là, on doit donc reconnaître le rôle croissant de l'environnement dans ces facteurs, mais sans pour autant l'isoler et le mettre à part. Mais comment peut-on protéger les migrants climatiques? Mais là, il faudrait mettre en place des politiques migratoires appropriées dès maintenant, d'autant qu'on sait estimer les risques à venir, là, notamment grâce au rapport là, du GIEC. Les États doivent, par exemple, encourager les populations à vivre dans des zones qui sont moins à risque. permettent aussi aux agriculteurs de travailler à la ville, ce qui a pour effet de diversifier leurs revenus ou encore de donner les moyens aux villes de s'adapter à ces flux migratoires-là auxquels elles vont avoir à faire face de plus en plus. Et si elle est préparée, bien, la migration peut relever d'une stratégie d'adaptation qui est rationnelle, au lieu d'être le signe d'un échec de l'adaptation. En évitant que les gens partent là, au dernier moment, bien, on réduit le nombre de morts et de crises humanitaires, on diversifie les sources de revenus pour les familles, on provoque aussi une meilleure gestion des terres et moins de compétition pour les ressources. Donc, bien gérées, bien, les migrations climatiques peuvent être bénéfiques pour tout le monde, et les régions d'origine autant que les pays d'accueil et les migrants eux-mêmes. Comment les migrations sont-elles gérées aujourd'hui? Bien, pour le moment, les États gèrent ce problème-là d'une manière uniquement réactive. Ça veut dire qu'ils réagissent seulement après la catastrophe. Oui, c'est ça. Mais là, ils fonctionnent sur une base qui est un peu irrationnelle, là, on pourrait dire quasiment gouvernée par la peur. Et les réfugiés climatiques sont toujours perçus par les États qui risquent de les accueillir comme des bombes à retardement. Donc là, les migrations doivent devenir un enjeu de coopération internationale. Les pays développés doivent reconnaître leurs responsabilités et aussi financer ces stratégies d'adaptation-là au changement climatique. Et un premier pas a d'ailleurs été esquissé avec le sommet de Cancun qui a eu lieu l'automne dernier. Les politiques migratoires seront financées par le Fonds vert pour le climat. Ça a été décidé là, au sommet de Cancun, mais il reste encore vraiment beaucoup de chemin à faire. Là. Il faudrait mettre en place un régime gouvernemental global des migrations, même sous l'égide là, des organisations internationales pour que ce soit bien mieux géré. Alors, qu'est-ce qu'on devrait conclure de tout ça? En fait, les migrations climatiques, ça doit être perçu plus comme un processus parmi d'autres auxquels les migrants eux-mêmes choisissent d'avoir recours. Et puis, dans l'hypothèse où il ne resterait plus que cette solution-là, bien, la migration devrait être programmée et organisée avec soin, surtout dans l'intérêt des migrants là, qui sont poignés avec ça un peu. Là. Et puis, leurs droits politiques, leur citoyenneté et puis aussi, surtout leur identité collective devraient être particulièrement préservées. Parce que ça, c'est une chose qui est très importante, même si on les déplace. Il ne faut pas que leur culture disparaisse, si jamais leur pays disparaîtrait. Ouais, ouais. Et une chose qui est certaine, les impacts les plus graves ils vont être ressentis dans les pays les plus pauvres, malheureusement, où les personnes sont déjà vulnérables. Et on peut parler aussi, là, quand il arrive des sécheresses aussi, des changements au niveau de la mer, mais ça va continuer à faire des migrations graduellement. Et puis, ça ressemble un peu aussi aux migrations économiques, là, excepté que ça va affecter les populations qui n'auront aucune maison où retourner. Il reste maintenant à savoir à quelle vitesse une telle coordination internationale se mettra en place par rapport à la vitesse à laquelle se détériorent parfois les milieux de vie dans le Sud. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que les populations du Sud qui migrent sont plutôt mises devant le fait accompli et que leur déplacement ne se passe pas toujours bien. Alors, merci Mélanie de nous avoir montré qu'il y aurait moyen de tirer profit de ces déplacements, en fait, ou du moins d'en minimiser les impacts. Ça m'a fait plaisir. Alors, on va faire une courte pause musicale sur CKRL 89,1 et on vous revient pour vous parler du radon.